Aujourd'hui, mercredi 28 février 1990, nous prenons à témoin le peuple béninois tout entier en affirmant solennellement notre engagement à faire mettre en œuvre de manière réaliste toutes les décisions issues des travaux de la Conférence nationale des forces vives de la nation. Mathieu Kérékou, président du Bénin, le 28 février 1990. 9 jours plus tôt, à l'hôtel PLM à Ledjour de Cotonou, capitale du Bénin, la Conférence des forces vives de la nation, plus communément appelée Conférence nationale, a ouvert ses travaux. Elle les clôturera en ayant adopté par vote les bases d'une transition paisible et opérationnelle. Événement de taille qui connaît un retentissement considérable et dont les principales dispositions seront analysées ultérieurement dans ce chapitre sonore consacré aux premiers pas, plus ou moins assurés, de la démocratisation en Afrique francophone. Mais cette marche vers la démocratie, qu'illustre, sans la résumer, l'événement béninois, il nous faut, pour la comprendre, Elikiam Bokolo, analyser rapidement, bien sûr, trop rapidement, la situation politique, économique et socioculturelle de cette partie du continent dans les années qui précèdent ce que certains n'hésiteront pas à nommer la deuxième indépendance et qui s'articule autour de l'année 1990. Oui, en effet, Philippe Saint-Denis, on assiste pendant ces années à des processus complexes qu'on regroupe aujourd'hui sous le terme démocratisation et que les peuples ont vécu et interprété précisément comme l'avènement de la démocratie. Le contexte est un contexte à la fois de crise et de bouillonnement. La crise économique ne fait pas de doute, avec l'effondrement général des cours des matières premières, les difficultés qu'éprouvent de nombreux pays africains pour s'approvisionner en produits pétroliers et l'accroissement de la dette extérieure. Cette crise économique contraint tous les États à recourir au FMI, le Fonds monétaire international, et à la Banque mondiale, dont les plans d'ajustement structurel, les fameux PAS, remettent en cause les modes de fonctionnement des partis États et des partis uniques. Partout, en effet, les plans condamnent les dépenses de prestige, les détournements des deniers publics, l'opacité de la gestion des finances publiques, l'omniprésence de l'État. C'est dire qu'on a vu, au cours de ces années, se rompre le pacte social de l'indépendance, pacte qui était fondé sur la promesse du bien-être collectif, de la sécurité, de la participation du plus grand nombre. C'est ainsi qu'on a vu se libérer toute une série de forces sociales qui vont monter à l'assaut des régimes en place. Les fonctionnaires et plus généralement les salariés, les jeunes et les étudiants, les femmes, les syndicalistes et bien sûr les faiseurs d'opinion, intellectuels, artistes, écrivains, dont la critique acerbe et féroce a délégitimé la plupart des régimes des partis uniques. Alors ces processus, on les voit un peu partout en Afrique, plus particulièrement au Bénin, que vous avez présenté tout à l'heure, mais aussi au Sénégal. Dakar, 31 décembre 1980.